À l'occasion du 15e anniversaire de l'historique visite du général Kim Jong-il en Fédération de Russie, l'exposition de livres, de photos et de beaux-arts coréens a eu lieu le 3 août à la Maison des vétérans de guerre à la ville de Khabarovsk. Dans la salle d'exposition étaient exposées les photos sur les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Y étaient également exhibées les œuvres classiques des grands hommes d'Actusan, les livres et les photos qui présentent la Corée du Tché en plein essor, ainsi que les beaux-arts montrant l'intelligence et le talent du peuple coréen. À la cérémonie d'inauguration de l'exposition ont pris part les personnalités et habitants de différents milieux de Khabarovsk, Russie, et les diplomates coréens à Khabarovsk. À la suite des interventions, les participants ont vu les documentaires coréens qui présentent la maison natale du général Kim Jong-il à l'ancien camp secret du Mont Baekdu et la colonie de vacances internationale de Sondowon.